18 au 22 juillet, c'est le méga week-end de golf au club de Saint-Prime en collaboration avec Toiture Hillman. Participez au concours de Long Drive le vendredi 21 juillet et courez la chance de vous envoler pour Las Vegas. Informations et inscriptions ou pour l'horaire de la fin de semaine, consultez notre page Facebook ou notre site Internet au www.golfsaintprime.qc.ca. Le club de golf de Saint-Prime, 418-251-2831. Bon matin tout le monde, Danny Veilleux, le bulletin de sport complet. Ben, c'est le grand festival de golf à Saint-Prime qui va débuter à compter d'aujourd'hui. Et ce matin, dans sa chronique habituelle hebdomadaire, le directeur général du club de golf de Saint-Prime, Gilles Larouche, avait une bonne nouvelle à annoncer. Le club a eu la confirmation verbale que la MRC Domaine du Roi va aider le club de golf de Saint-Prime à un montant de 35 000 $ par année pendant 4 ans. C'est du moins ce qu'a confirmé Gilles Larouche sur les ondes de DanRadioSport.com. Et selon lui, ben, ça va aider beaucoup, beaucoup au développement du club de golf dans le secteur. Oui, ça va nous permettre pendant cette période-là, on sait que le golf est en période... Ben oui, de restructuration. Et nous, oui, exactement, le terme est bon. Et au-delà de ça, c'est de trouver des nouvelles façons, même si on est quand même assez innovateur, pour pouvoir accrocher monsieur et madame tout le monde de venir jouer au golf, de rendre les prix, pas de baisser les prix de manière astronomique parce qu'on reçoit de l'aide, mais d'être créatif au niveau des formules pour attirer davantage, comme j'ai déjà mentionné, la clientèle féminine, les juniors. Nous autres, les juniors, ça va bien. On est rendu à 71 juniors au niveau du programme. Mais... Puis c'est une question de golf. Ben, à noter qu'il y aura aujourd'hui, Pierre-Alexandre Bédard va disputer son plus gros tournoi en carrière aujourd'hui. Ça sera sur le Mackenzie Tour, sur les allées d'un club de golf à Montréal. Pierre-Alexandre Bédard, quand même, qui figure quand même assez bien sur le circuit Pro Tour canadien. Pour bien vous situer, le Mackenzie Tour, ça se trouve à être le troisième circuit en importance en Amérique du Nord. Donc, on va parler maintenant de soccer avec des matchs dans les différentes ligues de soccer. À noter que le U16 Séminaire Berval a défait l'FC de Saint-Félicien 5-0. Dans la catégorie 12 masculin, l'attaque de Saint-Prime a perdu 4-1 face à Métabetchouane. À noter également dans les autres matchs, U12 masculin à Berval 7, l'FC de Saint-Félicien 3. Aussi dans le U16 masculin à Berval United a défait Bagotville 3-0 et en senior masculin division 2, gain facile de Dolbeau-Mistassini 7-0 sur le Boréal d'Alma. Maintenant, à noter qu'il y avait un match qui nous intéressait dans les différentes ligues de Balland de Roberval, le Bas-Zodiac a défait Pièce Auto-Universelle 13-11. Le sport local et régional? À DanRadioSport.com. On s'en occupe.